On rappelle aux auditeurs qui peuvent d'ores et déjà composer le 31 9000. Mélissa vous attend pour toute question, interrogation sur le thème de ce soir. On rappelle la science ou la Bible, qui dit vrai? Alors messieurs, autre question, à votre avis, comment a été créé le monde? Allez-y, vous avez la parole. Si vous me permettez de prendre la parole. Allez-y, allez-y monsieur Olivier Marnette. J'adopterai un point de vue qui sera toujours laïque et je me le dois en tant que bon soldat de l'éducation nationale et de l'État. Néanmoins, d'un point de vue scientifique, la création du monde pose tout de suite un problème de sémantique. Le monde, est-ce qu'on entend par là l'univers, quelque chose que les scientifiques considèrent créé depuis, disons, 14 milliards d'années, ou bien un univers qui nous est plus proche, la planète Terre sur laquelle on vit, qui existe cette fois avec son soleil depuis 4 milliards d'années, ou bien la vie qui existe elle-même depuis 3 milliards d'années, ce qui nous est proche, ce serait notre monde, j'ai envie de dire. Origine du monde pose cette ambiguïté. Et plus encore, en se recentrant vers son nombril humain, apparition de la vie sous forme hominidée, ce qui revient à revenir à 7 milliards d'années. Donc la question, quel est le monde dont on parle dans la question des origines, est importante. Alors, l'homme descend du ciel ou c'est d'Adam et Ève? Monseigneur Lafont. Je pense pas que la Bible réponde à cette question, comment le monde s'est créé, ni même comment sont arrivés Adam et Ève. Et la Bible répond à une autre question. Elle répond à une question que toute personne se pose. Pourquoi sommes-nous sur la terre? D'où venons-nous et quel est le sens de notre vie? Et c'est à ces questions-là que les premiers livres de la Bible, que d'ailleurs toute la Bible et beaucoup d'autres livres de sagesse tentent de donner des réponses. Et pour nous, la réponse de la Bible est celle que le Seigneur lui-même est venu nous apporter, mais il ne nous dit pas comment cela s'est passé. Et c'est ce qui était dit dans la Bible et dit de façon très imagée par des gens d'ailleurs qui ont écrit ces textes avant que ne soient connues toutes les connaissances scientifiques que nous avons maintenant et par conséquent, et ce n'est pas dans ce niveau-là qu'ils ont parlé. Sauf qu'il y a des précisions, Monseigneur Emmanuel Lafay, il y a des précisions, on dit au début, au commencement, c'était Adam et Ève. Oui, mais on peut raconter une histoire par une histoire. Alors, faut-il croire, oui ou non? Alors, si je regarde la Bible, chapitre 1, le monde a été créé en 6 jours. Et non pas en 7, hein, comme on entend souvent. Le 7e jour, Dieu s'est reposé. En 6 jours, et donc la création a commencé par une séparation de la nuit et de la lumière, des eaux d'en bas et des eaux d'en haut, du ciel et de la terre, tout cela manifeste une cosmologie, une image du monde qui est aujourd'hui dépassée, mais qui est intéressante. Et puis, au terme du 6e jour, arrive la création de l'homme et de la femme à l'image et à la ressemblance de Dieu. J'arrive dans le chapitre 2 de la Genèse. Oui. Et l'homme est créé avant tout ça. Il est créé avant les plantes, il est créé avant le jardin, il est créé avant les animaux, il est créé avant la femme. Donc déjà, si je lis ces deux premiers livres, je me dis, tiens, j'ai deux récits qui ne s'entendent pas au niveau de la chronologie de ce qui s'est passé. Et donc, j'ai là un livre qui me dit, attention, je ne suis pas en train de te raconter comment ça s'est passé, puisque je te dis déjà de deux manières qui se contredisent quant à la chronologie. Il faut que tu regardes, je veux te dire autre chose que comment ça s'est passé. Avant de passer la parole au scientifique, Monseigneur Emmanuel Lafont, l'évêque est ce soir dans Point d'interrogation, croit-il en Adam et Ève, cette histoire? Vous avez dit que c'était une histoire, vous y croyez ou pas? Je ne crois pas que cela s'est passé de la manière dont c'est écrit. Faut pas croire en la Bible? Vous... Mais si, mais je te raconte une parabole. Je te raconte un conte. À travers ce conte, je te dis quelque chose de très très vrai, dans lequel il faut croire. Mais ça ne veut pas dire que cette vérité... Adam et Ève ont existé ou pas, à votre avis? Non, je ne pense pas comme telles.